إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد عمت في هذا الزمان منكرات الأفراح وطمت، وما منشأ ذلك إلا الجهل بدين الله، وقلة الخوف من الله، والأمن من مكر الله، وتقليد الآخرين، والتفاخر والرياء والسمعة، وعدم القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف كثير من الرجال، وتسليم القيادة والقوامة للنساء، والتهاون والاحتقار للمعصية. كل واحدة منها تسهم بسهامها في إشاعة منكرات الأعراس وكثرتها. أيها المسلمون، لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة للعرس، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: أولم ولو بشاه. أخرجه الشيخان. ولكن لا يعني ذلك أن نصل إلى ما وصل إليه الحال اليوم من البذل والإسراف وضياع الأموال. ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن عاقبة الإسراف، وبين حال أهله ومالهم، فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اثنان وعشرون آية في القرآن يعيب الله فيها المسرفين، وكفاك قول الله تعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهو حديث حسن. Sachez, chers frères et sœurs, que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque en laquelle les fêtes et les moments de joie comportent de nombreuses interdictions en islam. Et ceci est la conséquence de l'ignorance des musulmans de leur religion. Mais c'est aussi la conséquence du fait qu'ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal et qu'ils se sentent à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces fêtes, que ce soit des fêtes de mariage ou autres, comportent de multiples désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les gens s'imitent entre eux, et les gens se font la concurrence mutuellement sur lequel aura la plus belle fête, sur lequel aura le plus de participants. Et cette multiplication de désobéissances à Allah azzawajal est due également au fait que les musulmans ne se conseillent pas mutuellement le bien et ne s'interdisent pas mutuellement le mal. Et également cela est dû au fait que les hommes sont au moins d'autorité envers les femmes, et que les femmes ont de plus en plus d'autorité sur l'organisation de ce genre de fêtes, qui amène à ce qu'elle comporte de nombreuses désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacune de ces causes explique la multiplication et l'étendue de ce fait à notre époque. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de faire la fête qui proclame le mariage. Et il a dit à l'un de ses compagnons alayhi salatu wassalam, fais ton repas de noces ne serait-ce qu'avec une brebis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais cela ne signifie en aucun cas d'arriver au stade auquel sont arrivés les musulmans à notre époque, en gaspillant leur argent, en gaspillant la nourriture. Et Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets dans le Coran, dans 23 versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal critique et blâme les gaspilleurs. Il dit subhanahu wa ta'ala parmi ces versets, ô enfants d'Adam, prenez dans chaque lieu de prière, ou portez dans chaque lieu de prière vos vêtements, et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. 23 versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, comme je l'ai dit, condamne le gaspillage. Et si un verset devait suffire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les gaspilleurs sont les gens de l'enfer. Et les gaspilleurs sont les gens de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également interdit l'excès. Il a dit alayhi salatu wassalam, buvez, mangez, habillez-vous, donnez des aumônes, mais ceci sans commettre d'excès et sans le faire avec ostentation. ومن منكرات الأفراح تخصيص الدعوة إلى الوليمة دون الفقراء تخصيص الدعوة إلى الوليمة للأغنياء دون الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. Et parmi les choses condamnables dans les repas de noces, c'est le fait d'inviter les riches uniquement et de délaisser les pauvres. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentique, le pire des repas est le repas de noces dans lequel sont invités les pauvres, ils sont invités les riches et ne sont pas invités les pauvres. Wa min munkarati al-afrah aydan wallati tusahibu laylat az-zawaj ما يحدث في قصور الأفراح من الغنى والطرب واللهو وإحضار الفرق الغنائية يزعمون أنها تحيي الفرح وهي في الحقيقة تميته وتجعله مأوى للشياطين وهذه في الغالب ليست بالمجان فإن هؤلاء المطربين والراقصين والمغنيين لا يحضرون هذه المناسبات إلا بأعلى الأسعار وهذه عقبة من عقبات الزواج وكل ذلك لإرضاء الناس وقد يستدين بعضهم بالوفاء بها ومن لم يحضر شيئا من ذلك جلب أشرطة الغنى والأجهزة وأجهزة التسجيل ومكبرات الصوت وفتحها على مصراعيها إلى وقت متأخر من الليل وقليل من الزواجات التي تخلو من هذه المنكرات وتستغل في ذكر الله والدعوة إليه وإن الرجل لا يتساءل في تعجب لا ينقطع ما الداعي لكل هذه المنكرات والمخالفات ولماذا يتحمل الإنسان من الديون ما لا يطيق ويبذر أمواله التي سيسأل عنها يوم القيامة في المحرمات من أجل إرضاء الناس وإرضاء الناس كما يعلم الجميع غاية لا تدرك ولماذا يستنكف بعض الناس عن هدي الإسلام وشرعته في أمر خطير كأمر الزواج الذي يعد فاتحة ونواة للأسرة المسلمة ومن المعلوم شرعا أن الأغاني حرام ولا يجوز سماعها. قال الله تبارك وتعالى: وهو يحدث الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل هو الغنى، وقال مجاهد باللهو والغنى، أي استخفهم بذلك. وقال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ففي هذه الآية بيان لحال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغنى بالألحان وآلات الطرب، كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو والله الغنى. ورددها ثلاثا، قال: هو والله الغنى، وفي رواية: والذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وكذاك قال عبد الله بن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعم بن شعيب وعلي بن بذيمة، كلهم أول هذه الآية وشرحوها وفسروها بالغنى. والغنى أيها المسلمون يورث النفاق في القلب، وهو بريد الزنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أخرجه البخاري. فانظروا أيها المسلمون كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام المحرمات العظيمة: الزنا ولبس الحرير على الرجال وشرب الخمر بالمعازف، وبين أنها تستحل في آخر الزمان كما هو الواقع اليوم. وهذا دليل عظيم على شدة تحريم الغنى وآلات اللهو والمعازف بشتى ألوانها وأشكالها، وهي محرم في كل وقت. وفي الزواج أولى، لأن الزواج نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى التي تستحق الشكر، فكيف تقابل بالمعصية والنكران. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ابن القيم رحمه الله في المعازف: وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ولقد نسي صاحب الحفل أنه قد تحمل في ليلته تلك آثام كل من حضر. والله عز وجل يقول: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Et parmi les choses condamnables en rapport avec les moments de fête et de joie, et en particulier pendant les fêtes de mariage, c'est bien sûr ces fêtes qui sont la plupart du temps faites dans des salles en lesquelles la musique se mélange aux chants, se mélange aux distractions interdites, dans lesquelles des groupes de musique sont invités pour soi-disant faire vivre cette nuit, alors qu'en réalité ils la tuent et ils en font un repère et un endroit dans lequel se regroupent les diables. Et la plupart du temps, ces prestations, bien sûr, ne sont pas gratuites. Elles sont des plus chères et les prix sont de plus en plus exorbitants, ce qui, la plupart du temps, rend difficile le mariage pour ceux qui veulent aller vers une chose licite, mais sont bloqués par une chose interdite à des prix exorbitants. Et beaucoup n'hésitent pas à s'endetter pour payer ce genre de prestations interdites en islam. Et celui qui n'a pas les moyens de se payer un groupe de musique ou un mini-concert, alors il ne manque pas de préparer toute la sonorisation nécessaire et de préparer tous les disques et les CD de musique nécessaires pour passer cette nuit dans la plus chaleureuse des ambiances, comme ils le prétendent. Et l'être humain et le musulman sincère, le musulman qui connaît la place de la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint de provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, se demande, dans un étonnement qui ne se finit jamais, qu'est-ce qui pousse les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte, et pourquoi les gens n'hésitent pas à s'endetter et à dépenser de l'argent en le gaspillant dans l'interdit, un argent sur lequel il sera questionné le jour du jugement. Tout ceci pour satisfaire les gens, tout ceci pour que les gens disent du bien de lui et fassent ses éloges. Et pourquoi les gens font de telles désobéissances à Allah Azzawajal en rapport avec l'une des adorations les plus importantes en islam, à savoir le mariage? Pourquoi commence-t-il cette vie conjugale, la première nuit de cette vie conjugale, par une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Et il ne fait aucun doute que d'écouter de la musique et de pratiquer la musique et d'utiliser des instruments de musique est interdit en islam. Et ceci dans nombreux versets du Coran. Allah Azza wa Jalla dit en parlant au diable, et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Et les savants ont expliqué que la voix voulue ici, c'est bien sûr la musique. Et Allah Azza wa Jalla dit également, et parmi les hommes, ceux qui dénués de science achètent des plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour prendre en moquerie celle-ci, ceux-là subiront un châtiment humiliant. Ceux-là subiront un châtiment humiliant. Et le discours plaisant cité dans ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans aucun doute, la musique. Et Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des plus érudits des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas hésité à jurer à trois reprises par Allah subhanahu wa ta'ala que les discours plaisants voulus dans ce verset et la musique. Il a dit, je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité autre que lui, que c'est la musique. Et il a juré à trois reprises. Mais c'est également l'explication qu'a donné Abdullah ibn Abbas, Jabir, Ikrimah, Saïd ibn Jubayr, Mujahid, Mabhoul, Amr ibn Shu'aib, autant de grands savants de l'islam qui sont unanimes sur le fait que c'est la musique qui évolue dans ce verset. Et sachez que la musique inculque la perversité dans le cœur, et que la musique, c'est la boîte postale qui a pour destination la fornication, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également interdit d'écouter la musique et d'utiliser les instruments de musique dans sa sunna authentique alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il viendra un jour dans lequel ma communauté, où il apparaîtra dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, le port de la soie, l'alcool, ainsi que les instruments de musique. Regarde comment le prophète alayhi salatu wassalam a comparé des interdictions immenses en islam, à savoir de commettre la fornication, à savoir de porter des vêtements de soie pour les hommes, à savoir de consommer de l'alcool, comment le prophète alayhi salatu wassalam a comparé tous ces graves péchés à la musique, au fait d'utiliser ces instruments et d'écouter les sons qui en proviennent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a informé qu'une partie de sa communauté rendra tout ceci licite. Cela prouve qu'à la base, ils le sont bien sûr illicites. Et la musique est interdite en tout temps, en tout endroit, à tout moment. Et l'interdiction est d'autant plus prononcée lors des fêtes, comme la fête du mariage. Car le mariage est un don d'Allah Azzawajal. C'est un bienfait d'Allah Azzawajal qu'il t'accorde. Et sache que beaucoup sont privés de cet immense bienfait. Comment oses-tu remercier Allah Azzawajal en lui désobéissant? Comment peux-tu être reconnaissant envers ce bienfait d'Allah Azzawajal en lui désobéissant et en provoquant sa colère. Tout ceci pour satisfaire les gens. Et Allah Azzawajal a dit dans son noble livre, et lorsque ton Seigneur ou lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué la parole du prophète alayhi salam al-ma'azif dans le hadith al-Bukhari, c'est-à-dire tous les instruments de musique, et il n'y a pas de divergence entre les Arabes dans la langue arabe sur le fait que c'est tous les instruments qui sont voulus. Et l'organisateur de ces fêtes interdites oublie ou fait semblant d'oublier qu'il portera les péchés de tous ceux qui assisteront à ces fêtes interdites. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux, et ils seront interrogés le jour de la résurrection. Ayyuha al-Muslimoun, inna ad-dina abaha fi al-zawaj الضرب بالدف للنساء فقط مع الغنى المعتاد الحسن الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم ولا مصاحبة للآلات اللهو المحرمة لإعلان النكاح والتفريق بينه وبين السفاح كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك مشروط بشروط شرعية أهمها أن يكون بين النساء خاصة وأن يكون في معزل عن الرجال وأن لا تكون أصواتهن عالية لما في ذلك من الفتنة بصوت المرأة قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف Et sachez que ce qu'a autorisé l'islam, car l'islam est une religion de facilité, c'est une religion qui est aisée, c'est une religion qui ne comporte pas de contraintes, c'est une religion dans laquelle l'on pleure et dans laquelle l'on sait aussi s'amuser et se distraire, mais tout ceci dans le cadre licite et tout ceci dans les limites qu'a instauré Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam autorise l'utilisation des tambours pour les femmes et d'accompagner à ces bruits de tambours des chants qui comportent des bonnes paroles, des paroles qui n'appellent pas à commettre l'interdit, des paroles qui ne font pas l'éloge des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles qui ne sont pas accompagnées d'autres instruments de musique, et ceci pour proclamer le mariage, car le but de la fête de noces, c'est de proclamer le mariage et de le dire à tout le monde qu'un tel est marié avec un tel, pour différencier entre le mariage et la fornication, comme ceci a été rapporté de façon authentique d'après le prophète alayhi salatu wassalam. Et tout ceci est conditionné bien sûr à ce que l'utilisation soit faite par les femmes uniquement, et que ces chants accompagnés de tambours soient faits, et que les hommes ne soient pas mélangés aux femmes pendant ceci. Et également, les femmes ne doivent pas élever leur voix dans leur chant, car les voix des femmes peuvent être une tentation pour beaucoup d'hommes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la limite entre le halal et le haram, c'est le bruit du tambour. Hadith authentique. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن منكرات الأفراح أيضا دخول الأزواج واختلاط الرجال والنساء حيث يدخل الزوج على النساء ويجلس بجوار زوجته على ما يسمى بالمنصة فيشاهد النساء ويشاهدنا وكل في أبهى زينة وفي ذلك من الفتنة ما لا يخفى حيث يرى الزوج النساء وهن متبرجات متزينات وقد يكون بينهن من هي أفضل وأجمل من زوجته مما يؤدي إلى ضعف منزلتها في نفسه وتلاعب الشيطان بقلبه وعقله. وكذلك النساء يرين الزوج وهو في أبهى زينته وجماله، فتقع الفتنة به والعياذ بالله. ناهيكم عما يحدث في بعض قصور الأفراح من اختلاط الرجال والنساء، وهذا من أقبح المنكرات في هذا الزمان. فكان في زمن قريب الزوج هو الذي يدخل فقط، أما الآن فقصور الأفراح مملوءة رجالا ونساء يغنون ويرقصون والعياذ بالله. وقد حرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء، وأمر الله تعالى المسلمين بغض أبصارهم رجالا ونساء، ليحفظ لكل من الزوج والزوجة مكانته عند صاحبه، ولتسلم المجتمعات من الفساد والفحش، فإن ذلك أزكى للقلوب وأطهر للنفوس. Et parmi les choses condamnables également qui ont lieu dans ces fêtes interdites, c'est lorsque l'homme entre dans la salle des femmes, s'assied aux côtés de son épouse sur l'estrade en portant les meilleurs vêtements, et sa femme en s'embellissant comme elle ne l'a jamais fait, et les hommes ou le mari regardent les femmes présentes dans la salle qui elles aussi se sont embellies, ne sont pas voilées, sont maquillées, et tout ceci est une tentation que personne ne peut nier. Le mari regarde les femmes, et les femmes regardent cet homme, et parmi les femmes, il peut y avoir des femmes plus belles que son épouse, plus charmantes que son épouse, et le fait de voir des femmes plus belles que la sienne, cela va diminuer l'amour qu'il a pour son épouse, et la valeur qu'elle a dans son cœur. Et le diable entre par cette porte et lui insuffle des insufflations dans son cœur et dans son esprit. Et également, ces femmes présentes dans cette salle regardent le mari ou le nouveau marié dans sa plus belle posture, avec ses plus beaux vêtements, et ceci, sans aucun doute, est un moyen dangereux qui amène le plus souvent, qu'Allah nous en préserve, à arriver dans l'interdit qu'Allah Azzawajal a condamné. Et l'islam interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Et Allah Azzawajal a ordonné aux musulmans, comme il a ordonné aux musulmanes, de baisser leur regard, afin que le mari se préserve, afin que la femme se préserve, et afin que la société soit préservée de la turpitude et de la débauche. وَإِنَّ مِنْ أَبْرَزِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْأَفْرَاحِ ما يقع من النساء في هذه الليلة من لبس غير ساتر من الثياب، ثياب رقيق وأخرى عارية تبدي جزءا من المرأة، وكذا القصيرة والمفتوحة والضيقة التي تصف حجم الأعضاء. والحجة عند النساء أن ذلك موجود في الأسواق وأنه أمام النساء، فلا حرج في ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فإن المرأة في الإسلام لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في الكشف فهو طريق لفتنة المرأة وتشبه بالكافرات، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من تشبه بقوم فهو منهم. Et parmi les choses condamnables qui ont lieu dans les fêtes de mariage le plus souvent, c'est le fait que pendant ces soirées, les femmes sont habillées, mais en réalité dénudées. Des vêtements transparents, des vêtements qui laissent apparaître la majeure partie du corps de la femme. Des vêtements courts, des vêtements ouverts, des vêtements serrés qui montrent la forme des membres. Et la preuve ou l'argument qu'apportent les femmes et que cela se vend et que cela a lieu entre les femmes. Écoutez le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Deux groupes, des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus, des femmes qui sont vêtues mais dévêtues. Vêtues et dévêtues. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. La femme musulmane ne doit montrer devant une autre femme que ce qu'elle montre envers les hommes qui lui sont interdits au mariage. Et ce qui est connu pour être dévoilé devant les hommes interdits au mariage, comme de dévoiler la tête, comme de montrer les mains, les avant-bras, le cou, les pieds, les mollets, mais de montrer plus. Cela est une voie qui amène à la destruction de la femme et qui l'amène dans la porte de la tentation. Et ceci également l'emmènera à ressembler aux non-musulmanes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. ألا فلتعلموا رعاكم الله أن الأعراس والمناسبات المشتملة على مثل هذه المنكرات لا يجوز للإنسان أن يحضرها ولا أن يجيب الدعوة فيها ولو كانت لأقرب الناس إليه إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر الموجود بها أما إذا كان عن ذلك عاجزا فإنه لا يجوز له الذهاب إليها ولا أن يأذن لنسائه بحضورها لما فيها من معاص ومنكرات وما يخشى عليه من الفساد والفتنة والإثم والوزر. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal vous préserve que tous ces mariages et toutes ces fêtes qui comportent ces interdits que l'on a cités, et l'on a cité que certains de ces interdits, quant aux interdits, ils sont bien sûr beaucoup plus nombreux et ils sont nouveaux chaque jour. Il faut savoir qu'il est interdit d'assister à ce genre de fête et qu'il est interdit de répondre à une telle invitation, même si la personne fait partie de tes plus proches, même si la personne fait partie des membres de ta famille les plus proches, sauf si en t'y rendant tu as la possibilité d'arrêter et de condamner et de faire cesser ces interdictions. Si tu en as la possibilité, alors tu as le droit d'y assister. Par contre, si tu en es incapable, et si le fait que tu y ailles ne stoppera pas toutes ces interdictions, alors il t'est interdit de t'y rendre. Et il t'est interdit d'autoriser à ton épouse de s'y rendre, car ce sont des lieux dans lesquels Allah Azza wa Jal est désobéi, dans lesquels le diable est satisfait. Et de se rendre dans ce genre de lieu, la personne n'est pas à l'abri et se met en péril et risque de tomber, dans la plupart des cas, dans l'interdiction d'Allah Azza wa Jal, dans la turpitude et dans le mal. فاحذروا أيها المسلمون هذه المنكرات واتقوا الله في سركم وعلى أنيتكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم الوقوع في المنكرات فاقترافها وفعلها والمجاهرة بها سبب من أسباب الشقاء في الدارين. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء ومكروه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرد المسلمين إلى رشدهم حتى يتمثلوا بشرع الله سبحانه وتعالى وحتى تكون أعراسهم موافقة لكتاب الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.